Je ne vais pas se dire qu'il amène des modèles. Je ne vais pas se dire qu'il amène des modèles.